Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où je reçois aujourd'hui Frédéric Mémin. Bonjour Frédéric. Bonjour Sarah et bonjour à tous vos auditeurs. Merci, je suis très contente de te recevoir. Mais moi aussi, j'avais hâte. Bon, alors, on va parler de tes deux romans qui sont sortis quasiment en même temps, à quelques mois. Donc ouais. Le premier, ADN, et le deuxième qui est sa suite, Le Fantôme d'Agathe. Le Fantôme d'Agathe, oui. Et aux éditions La Société des Écrivains. Exactement. Alors, un petit peu le programme de l'émission. Donc c'est une émission qui t'est exclusivement consacrée en 5 questions, avec des coupures musicales que tu as choisies, parce que ce qui est intéressant, c'est faire découvrir aux auditeurs un petit peu ton univers à travers ces morceaux de musique choisis. Je crois qu'il y en a un que tu vas nous présenter toi-même, ce sera le troisième, donc je te laisserai en parler. Avec grand plaisir. Et puis, on va commencer tout de suite, si tu es d'accord. Alors allons-y. Tu as donc écrit deux romans, comme je viens de le dire, c'est ADN ça. Et sa suite, Le Fantôme d'Agathe, qui sont à la fois très complémentaires, mais que moi j'ai trouvé aussi très différents. Ma question était, est-ce que tu avais déjà envisagé le deuxième en écrivant le premier ? Absolument pas. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Et pourtant, c'est très important parce qu'effectivement, les deux romans sont différents. Donc, c'est une série policière qui s'appelle ADN. Le premier a juste le titre ADN parce que c'est le premier. Hein. Et en fait, le premier, c'est vraiment un polar. Tandis que le second, il y a aussi une enquête policière, mais c'est sûrement un roman psychologique. Et comme cette histoire est tirée d'éléments personnels de ma vie, d'une certaine relation dont on parlera sûrement peut-être après. Tu le précises d'ailleurs, la fin. Bien sûr. Tu en parles. Je ne me suis pas satisfait de la fin de l'histoire au premier. Je m'explique. Au niveau de l'histoire, si, parce que le livre, je l'aime beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Et à la fin d'ADN, il y a une fin. Sauf que moi, pour des raisons personnelles, l'histoire ne pouvait pas s'arrêter comme ça et elle me poursuivait quelque part, elle me hantait. D'où le titre « Le fantôme d'Agathe ». Tu avais l'impression que tu n'avais pas mis un point final en fait cette histoire. C'est ça, exactement. Et en fait, on peut le voir de deux façons. Soit par exemple, pour les lecteurs, on s'arrête à ADN, on a la fin d'une histoire et puis voilà, on tire le rideau. Ou alors on découvre ADN, le fantôme d'Agathe et en fait, on se rend compte qu'il y a une fin alternative et que l'histoire finalement, malgré ce qui se passe dans ADN, sans révéler trame, on se rend compte qu'en fait, non, la fin d'ADN, c'est à la fin du fantôme d'Agathe du tome 2. Ok. Alors, ADN est quand même beaucoup ancré en terrain conquis pour toi. On a beaucoup la Champagne-Ardenne, la région parisienne, la pêche, le groupe de musique. Ouais. Donc tout ça, c'est des composantes qui font vraiment partie intégrante de ta personnalité. Ouais. Et ça se ressent dans les deux. Alors, est-ce que c'était important pour toi d'ancrer cette histoire dans des lieux connus pour travailler plus l'intrigue ? Ou est-ce que ça te permettait plutôt de bien visualiser concrètement comment tu faisais, comment t'allais faire dérouler le roman ? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. La deuxième, pour des raisons techniques, parce qu'il est toujours plus facile de parler d'endroits et de personnes que l'on connaît. Ouais. Parce que ce que tu dis pour les endroits est aussi valable pour les personnages. Ouais. Et ensuite, moi je vois surtout le premier, c'est une déclaration d'amour que j'ai envers les régions que j'ai connues dans ma vie et dans ma carrière. Et pareil pour les personnes. Donc en fait, j'ai voulu rendre hommage aux gens et aux lieux que j'ai aimés, tout simplement. Parce qu'en plus, ça te permet de beaucoup plus travailler ton intrigue quelque part. Absolument. En fait, c'est un ensemble. Après, il y a une magie dans tout ça, j'ai pas tout calculé. Ouais. Mais par exemple, moi je suis à Saint-Dizier depuis 2006, en fait je suis militaire de l'armée de l'air et de l'espace, et je suis arrivé en 2006 avec le Rafale, qui était un de mes rêves de jeunesse. En 86, je l'ai vu voler pour la première fois au Salon du Bourget, je m'étais dit plus tard je travaillerai là-dessus, j'ai réussi. En général, je fais tout pour accomplir mes rêves. Donc l'écriture en fait partie aussi, et je ne me voyais pas commencer mon histoire ailleurs qu'à Saint-Dizier sur le lac du Der, parce que je suis aussi pêcheur. En fait, il y a toute ma vie. Tu y as un attachement très particulier. Énorme. Et dès les premières pages d'ADN, on le sent. On le sait. Ça se voit tout de suite. J'ai les poils qui se hérissent. Ouais. C'est vraiment viscéral. Je suis vraiment tombé amoureux de la Haute-Marne, de la région, et tout ce que je décris dedans. Pour anecdote, le deuxième, Le Fantôme d'Agathe, se déroule dans la maison de mes grands-parents paternels. Ok. C'était impossible de faire autrement. D'accord. C'est comme ça, je ne l'explique pas. C'est vraiment, pour moi, c'est voilà. Ça te permet de te livrer aussi, du coup. Ouais, énormément. Hein, énormément. Ok. Je te propose une coupure musicale et puis on revient juste après. Avec grand plaisir. Ouais, Caprice de lecture sur Fadjet. De retour pour cette deuxième partie d'émission de Caprice de lecture, toujours en présence de Frédéric Mémin, pour ces deux livres qui sont des polars, oui. Si je ne me trompe pas. Donc le premier, ADN, et le deuxième, qui est sa suite, Le fantôme d'Agathe. Est-ce que tout va bien pour toi ? Très bien. Alors on continue. Alors Frédéric, Le fantôme d'Agathe démontre, mais c'est un avis... assez personnel, une maturité dans l'écriture, dans le style, mais aussi dans la construction de ton héros qui s'appelle Quentin Morvan. Et aussi comment on voit un petit peu profiler son avenir. T'as un style plus affirmé et mieux maîtrisé. Est-ce qu'il y a une part de toi chez Quentin ? Énorme. Alors, pour l'écriture, le changement d'écriture, plusieurs personnes me l'ont fait remarquer. C'est tout simplement aussi... parce qu'entre la sortie du premier et le deuxième, j'ai tenu compte des retours de lecture. Donc j'ai compris un petit peu mieux ce que les gens aimaient, ce que les gens n'aimaient pas. Donc j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça aussi. Ouais. Donc ça, ceci étant, je suis tout à fait d'accord. Et puis l'histoire fait aussi que j'ai développé plus la psychologie des personnages que ce que j'ai fait pour les deux principaux dans le premier tome. Dans le deuxième, je parle aussi des personnages secondaires. J'ai essayé d'étayer et puis okay. de créer une... Ce Quentin a plus de coffres, il y a plus de présence dans le deuxième. Dans le premier, je suis un peu rentré dans sa vie privée et puis pour Agathe aussi. Donc en fait, voilà, c'était pour présenter les personnages au début. Si je ne le fais pas, ça s'appelle des digressions, mais si je ne le fais pas... on va manquer certains éléments. Et pour moi, chaque élément était très important. Parce qu'on le connaît mieux. Enfin, moi, j'avais l'impression de le connaître mieux, de mieux le cerner, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Voilà. Il a à peu près... il a entre 35 et 40 ans, Quentin. C'est ça. Hein? Et pour moi, par exemple, je parle de ses goûts musicaux. Ouais. Pour moi, c'est extrêmement important. Oui. Parce que pour moi, ça dans ton parcours, c'est hyper important. Voilà, ça définit une personne. Et donc, pour répondre à l'autre question, est-ce qu'il y a de moi dedans ? Oui, okay. Je suis même tout nu. Dans ces livres. Donc, c'est-à-dire que c'est bon à savoir. je me livre vraiment beaucoup. Donc, le personnage n'est pas moi, je ne suis pas le personnage, mais le personnage est inspiré de moi sur certaines, comment dire, sur certaines visions du monde, de notre époque et puis de différentes thématiques comme la musique encore, la nature, les médias, la justice, un tout petit peu la politique, mais c'est vraiment tout petit peu, c'était pour poser un cadre, parce que pour l'anecdote, j'ai écrit ADN fin 2020, Et je parle de qui a gagné la présidentielle qui vient d'avoir lieu. Je dirais pas si j'ai gagné ou pas, il faut le lire. Mais enfin voilà, en tout cas, j'ai trouvé un des deux finalistes. Oui, c'est clair. donc c'était pas mal. Mais ça, c'est pas une histoire d'opinion politique ou quoi que ce soit, c'était une histoire de cadre. Pourquoi ? Parce que juste pour faire un bref résumé, le résultat de l'élection a influencé certaines choses en France. Et donc, ça explique pourquoi la gendarmerie décide d'intégrer dans son équipe une journaliste d'investigation. Ok. Voilà, d'accord. C'est juste pour poser le cadre et que exactement. Les lecteurs comprennent bien voilà, un petit peu ce qui se passe. Exactement. Okay. Ça n'a rien, il n'y a aucun d'accord. lien. D'accord. Alors, justement, tu parles des deux romans. Ton leitmotiv dans les deux, et ça revient très souvent, ne jamais se fier aux apparences. Oui. Donc, dans ADN, le message est parfaitement clair. Pareil, hein, je ne vais pas spoiler c'est la clair. Fin. Dans Le fantôme d'Agathe, on le croise aussi. Hein, ouais. Ne jamais se fier aux apparences. Ouais. Alors, est-ce qu'on doit se méfier de toi ? Est-ce que tu nous réserves quelques surprises ? Parce que du coup, je me dis... Le rire diabolique s'il qui nous l'applique à nous, il peut se l'appliquer à lui aussi. Mais du coup. Tout à fait, en fait, c'est parce que, comme j'explique aussi, et c'est vrai pour moi, j'ai un groupe musical qui s'appelle Touch of Evil. Touch ouais. of Evil, ça veut dire, c'est la part du malin, c'est intraduisible comme ça serait pas beau. C'est la part du malin qu'on a en chacun de nous. Je m'explique, on a tous cette image du petit diablotin qu'on a sur l'épaule qui s'oppose au petit ange qu'on oui. a sur l'autre. Dans la vie, on fait tous des choix en permanence, des fois on fait les bons, des fois on fait les mauvais. Et des fois, on se surprend à faire de très mauvais choix. Mmh. On a tous fait des, excusez-moi pour le mot, des conneries dans la vie, et c'est le petit diablotin qui nous a poussé à le faire. C'est pas parce qu'on est quelqu'un de mauvais ou quoi, c'est que des fois, on s'égare du chemin. Et donc, c'est ce que j'ai voulu dire par ça, par ce leitmotiv, c'est que, par exemple, c'est pas parce qu'on voit, je vais prendre une femme parce que j'aime beaucoup les femmes, c'est pas parce qu'on voit une très très belle femme, très séduisante et tout, qu'elle est exemple de défaut. Oui. Et on peut avoir des très belles personnes extérieures qui sont très mauvaises à l'intérieur. Pour les hommes, c'est valable aussi, sinon je vais me faire taper dessus par les associations féministes. C'était juste un exemple. Mais voilà, en fait, il ne faut pas se fier aux apparences parce que ce qu'on voit n'est qu'un... C'est que la partie émergée de l'iceberg. Exactement, c'est un masque, c'est un masque. Et en plus, dans le 2, sur la très très belle couverture, donc je suis très fier sur le fantôme d'Agathe, qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux visages, un visage d'homme et un visage de femme. Ça oui. représente, c'est inspiré du dieu Janus, qui est le oui. dieu des commencements et des fins, qui est représenté par un masque bifront. Normalement, ce sont deux hommes. Moi, pour l'histoire, il me fallait un visage d'homme et un visage de femme qui se ressemblent. Et pour la petite anecdote, c'est le visage de mon fils, c'est le visage de mon épouse. Donc, d'accord. quand je dis qu'il y a beaucoup de moi dans ce livre, il y a c'est beaucoup vrai. De moi dans ce livre. Okay. Donc voilà, c'est tout simplement par rapport à ça. Donc, est-ce que moi, il faut avoir peur de moi ? Je ne sais pas. Mais disons que je suis comme tout le monde. Tout ne se voit pas au premier regard et il faut creuser. Mais c'est sûr qu'en lisant les livres... vous en connaîtrez beaucoup plus sur moi. Exact. On va refaire une petite coupure musicale et on revient pour la dernière question. Never care for what they know, and I know. Caprice de lecture sur Fadjet. Encore avec nous dans Caprice de lecture et Frédéric Mémin qui va répondre à ma dernière question. Et avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Alors Frédéric, tes deux romans sont édités à la Société des écrivains. Oui. Est-ce que tu peux nous indiquer un petit peu comment ça s'est passé ? Parce que quand on n'est pas écrivain, on se dit, bon, il a écrit un manuscrit, ok, vous, alors, dans le fantasme du lecteur, c'est vous l'avez envoyé à plein de maisons d'édition. Je me suis posé les mêmes questions. Vous avez été refusé je ne sais pas combien de fois, vous les écrivains, vous êtes désespérés et d'un seul coup, vous recevez un appel et une maison d'édition accepte de vous éditer. Comment ça s'est passé pour toi ? C'est vrai, on est tous déprimés. Non, moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ouais. ça. En fait, alors, il y a un ensemble de choses. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était aussi dans l'armée de l'air comme moi et qui avait fait l'objet d'un portrait sur le réseau interne de la Défense okay. Pour la publication de son second roman. Donc, je suis rentré en contact avec elle en lui disant que j'avais un projet littéraire et que je n'y connaissais rien au monde littéraire. Okay. Et éditoriale. Et en fait, elle m'a recommandé la Société des écrivains, donc qui est une petite maison d'édition parisienne qui fait partie du groupe à Paris, qui a plusieurs marques telles Edilivre, Publibook, mon petit okay. éditeur. Et donc, c'est ce qu'on appelle du compte d'auteur participatif. Alors, pour la faire courte, il y a trois modes d'édition. Il y a à compte d'éditeur, où en fait, une grosse maison d'édition repère quelqu'un et prend tout à sa charge. Par contre, il y a des contreparties, mais mm-hmm. j'aurai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Il y a l'auto-édité, où là, l'auteur a des facultés en informatique et s'occupe de tout, de la couverture à la correction, okay. à la mise en page, à l'impression. Il fait tout seul. Et ensuite, il y a à compte d'auteur participatif, où là, vous participez, d'où son nom, à la fabrication de la maquette, du prototype du D'accord. premier livre, donc vous versez des arts. Et ensuite, la maison d'édition, elle, devient un prestataire de service et D'accord. fait tout le reste. Okay. Et une fois que vous avez rentabilisé votre maquette, vous êtes dans le monde de l'édition comme un compte d'éditeur. Quoi. C'est un D'accord. peu pareil. Sauf qu'au okay. début, en fait, c'est plus souvent pour les auteurs qui débutent parce que ça montre à un éditeur que vous êtes motivé pour votre projet parce que c'est un petit peu, ils parient sur vous, donc ils investissent sur oui, vous. Oui. Alors si vous vous crachez, ils se crachent avec oui, vous. Oui, puis il faut montrer qu'on a envie, quoi. Exactement. Ouais. Donc, Toi, avec la Société des écrivains, ça s'est passé comme ça. T'envoies ton manuscrit. Alors, j'ai écrit mon premier manuscrit. J'ai envoyé mon manuscrit, maintenant c'est très facile, sur Internet. Ok. Et je l'ai envoyé à 4 maisons d'édition, quand même. J'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier et ouais. j'ai eu 4 réponses positives. Donc génial. Et tu choisis la Société des écrivains. Et j'ai choisi la Société des écrivains parce que c'était le meilleur. C'était pas qu'une question d'argent. C'était mm-hmm. le meilleur rapport qualité-prix ouais. et je suis tombé sur une équipe vraiment formidable et pour moi ce sont des partenaires donc qui m'accompagnent okay. depuis le début. Il y avait aussi l'aspect humain derrière tout exactement, ça. Exactement, j'ai une personne pour chaque tâche entre guillemets, j'ai un chargé de clientèle, j'ai quelqu'un qui s'occupe des commandes, qui vous a très ouais. gentiment envoyé le deuxième en service presse, ils ont été très réactifs, ils sont adorables donc c'est une petite équipe, je suis vraiment très très fier de travailler avec eux, ils me font confiance et puis je pense qu'ils sont aussi contents de moi que je suis content d'eux, donc c'est un travail d'équipe, c'est ce que je leur dis souvent, c'est que je serais rien sans eux et eux sont rien sans les auteurs quelque exact. Part. Donc voilà, c'est donc comme ça que on a un troisième volet des aventures de Quentin Morvan, ça sera aussi la Société chez des la Société écrivains. Des écrivains. Voilà. Okay. On va écouter une dernière coupure musicale. Alors Frédéric, je vais te laisser nous la présenter parce que je crois avec qu'elle plaisir. Te tient à cœur. Alors elle me tient à cœur parce que j'ai d'autres passions que l'écriture. Je suis aussi musicien amateur. Alors je suis batteur de métal exactement, mais je joue aussi dans un ensemble philharmonique, l'ensemble philharmonique de Saint-Dizier. Okay. Donc j'ai aussi appris à jouer de la batterie sur de la musique classique. J'ai même fait un solo de triangle un jour. Ça existe. Donc voilà, et en fait, en 2012-2013, j'avais un groupe de métal avec un chanteur, un guitariste, un bassiste et moi-même à la batterie qui s'appelle, comme dans le roman, Touch of Evil. Et nous avions sorti un mini-EP, donc c'est-à-dire un petit album, qui avait été produit par un guitariste qui est extrêmement talentueux, qui s'appelle Charlie Faber. Okay. Je pense que certains auditeurs connaîtront. Il a joué avec Fred Chapelier, qui était le guitariste des Vieilles Canailles. Et il a un groupe qui s'appelle Rosedale. Enfin, c'est quelqu'un de très doué, très gentil. Une référence. C'est vraiment une référence. D'accord. Et donc, il nous avait produit ce petit album en 2013 qui s'appelle Scandalous Lights. Alors, vous ne le trouverez pas parce qu'il a été sorti en série... vous le trouverez pas en version payante, pardon. Il a été sorti en série limitée sous clé USB, plutôt que CD parce que ça coûtait moins cher et au moins c'était un objet sympa, réutilisable, donc écologique aussi. Okay. Et tout a été écoulé. Par contre, pour remercier les gens et puis pour continuer à le présenter, il est trouvable très facilement sur YouTube gratuitement. Donc il y a tout l'album, il y a 6 morceaux. Et donc j'ai sélectionné pour cette interview un des morceaux, je ne pouvais pas tous les mettre non plus, qui s'appelle My Beloved Dolo. Donc c'est un très beau morceau, bon musicalement il y a du ternaire, donc c'est sympathique. Donc moi je suis voilà, le batteur dessus, c'est pas moi qui chante, c'était le chanteur s'appelait Jules. Et donc voilà, et dans ce groupe j'ai composé mes parties et j'ai aussi écrit certains textes. Alors pas ce texte-là, mais c'est une des plus jolies, même si c'est pas moi qui l'ai écrit. Et j'ai écrit en français, en anglais, voilà, il y a un morceau en français, un anglais. On en écoute un extrait tout de suite. Merci beaucoup. I spend so much time outside, going everywhere we went, with my hands in my pockets, hoping to see you again. Oh, but it's so I Prise de lecture sur Fadjet. Dernière partie d'émission de Caprice de lecture où Frédéric Mémin, mon invité du jour, va nous présenter son caprice de la semaine. Frédéric, c'est à toi. Alors, mon caprice de la semaine, donc, c'est un roman feel good qui est de l'auteur, la brillantissime auteure Serena Davis, qui raconte l'histoire d'une fille atypique qui a plusieurs personnalités et qui raconte qu'il y a ce qu'on appelle un TDI, donc c'est un trouble dissociatif de l'identité, et qui parle des différentes aventures qu'elle a eues, elle parle de ses ex, elle fait des portraits au vitriol, et c'est très très drôle. Moi je suis un homme, et pourtant je me suis reconnu un petit peu dans les portraits d'hommes, donc j'ai pris cher, mais aussi dans le personnage de Sabrina, qui est l'héroïne, et qui est la fille qui raconte, donc franchement je vous le recommande, et j'en profite aussi pour... Donc il est trouvable partout, il était édité chez Lise Bleu, voilà, chez okay. Le Lise Bleu. Tu peux nous rappeler le titre ? Alors, Les chats retombent toujours sur leurs pattes. D'accord. Voilà, édité au Lise Bleu. Bleu. Il est trouvable absolument partout. Et elle vient également de sortir un livre coédité avec une autre auteure qui s'appelle Mary White, en l'occurrence qui est sa maman, mais c'est un détail, et qui s'appelle Alerte à l'EHPAD. Et lui, il est publié aux éditions Sudarène. Et c'est un livre qui est sorti, c'est vraiment le hasard, en même temps que le scandale d'Orpea, et qui reprend un petit peu cette thématique. Sauf que c'est drôle. C'est un ensemble de petits vieux, on va dire, qui est très très bien dans cette EHPAD. Sauf que ça coûte très très cher, et le groupe qui tient cette EHPAD envoie une businesswoman pour redresser les comptes. Chiffre et en fait, voilà, et qui sert un petit peu la vis. Et donc, il y a une rébellion qui unit les pensionnaires avec le personnel de l'EHPAD contre cette banquière, on va appeler ça comme ça. Donc, c'est pareil, c'est très très drôle. Ça vient de sortir et c'est déjà un gros carton. Donc, la preuve, c'est que un de vos personnels qui était là, un de vos collègues, oui. en a entendu parler et en a parlé dès que j'ai cité l'auteur. Donc, c'est vraiment phénoménal et je vous le recommande vraiment. Donc, voilà, elle a plein d'autres livres qui sont écrits dans différentes thématiques et je vous recommande vraiment cet auteur. Donc, Serena Davis. Eh bien, merci Frédéric. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci à la Fadjet et puis rappelle, à tous vos auditeurs. Je rappelle le titre de tes deux romans, donc ADN et Le fantôme d'Agathe, que l'on pourrait même surnommer d'ailleurs Les aventures de Quentin Morvan. Oui, tout à fait. Voilà. Et petite dernière anecdote, vas-y. Donc Quentin Morvan, c'est parce que Quentin, c'est le prénom de mon fils, et Morvan, c'est le nom de jeune fille de ma femme. Très bien. Eh ben, toute ma vie est dans ces livres. Édité à la Société des écrivains. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci au revoir. Merci à vous. Au revoir.